importe l'occasion et peu importe les raisons, tu tiens toujours à ranger ça. Tu ne veux plus te passer de moi car tu bois pour t'amuser et plus rien ne peut t'arrêter, sauf peut-être bien les poulets ou quand tu auras tout gerbé. Tout ne devient plus très net, tout devient flou. C'est pas la fête dans ta tête, à coup de clou. Il est grand temps que tu t'arrêtes vraiment, tu gères partout et pour ta pauvre face verte, t'es moche comme un pou. C'est l'heure du goûter, pour toi c'est tout sauf panaché. Tu ne peux même plus t'empêcher, l'alcool pour toi est une nécessité. Et ceux qu'on oublie sur le trottoir avec leur bouteille de pinard, pourquoi toujours les ignorer, il suffirait juste de les relever. Toi ça te mène la vie dure, et pourtant toi tu ne fais rien pour arranger sa petite bande. Hein, tout ne devient plus très net, tout devient flou. C'est pas la fête dans ta tête, à coup de clou. Il est grand temps que tu t'arrêtes vraiment, tu gères partout et pour ta pauvre face verte, t'es moche comme un pou. Et même dans j'ai électrique, ce que tu trouveras est éthylique, tes potes sont là pour...